Bonjour à vous les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le fureteur professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles, c'est parti pour l'aventure. L'honnêteté intellectuelle que j'incarne uniquement derrière ce micro m'oblige à commencer par un postulat imposant mais vrai. L'originalité n'existe pas vraiment. Quelle indignité. Et vous, depuis votre domicile ou votre travail, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a plus d'histoire originale. Si vous voulez de l'originalité, allez écouter Alain et ses émissions Cinéphages et Sérivores qui s'écoutent avec plaisir, le vendredi ou le samedi, je ne sais jamais le jour, mais moi je les écoute en replay. Dans le monde merveilleux d'Hollywood, où les grands studios créent des sociétés écrans juste pour ne pas payer plus les réalisateurs en cas de bons résultats au box-office, un petit malin du nom de Blake Snyder a eu une bonne idée. Une recette. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette, mais pas n'importe laquelle. Pour l'écriture d'un bon scénario qui marche, que les pontes en costume Hugo Boss pompent sans retenue depuis plus de 20 ans. Notre bon vieux Blake Snyder explique page par page exactement ce qui doit se passer à l'écran et à quelle minute précise en un descriptif de 15 points forts, détaillé, indispensable à l'histoire. Sachant que chaque page d'un scénario correspond normalement à une minute de film, cela fait du guide de Snyder une recette d'écriture de film minute par minute. Ce n'est pas de sa faute s'ils appliquent point par point ces fondamentaux sans réfléchir ni décoller le nez de leurs feuilles ou de la cocaïne. Ce n'est malheureusement pas étonnant si, au cinéma, vous avez vu plusieurs ressorts narratifs communs. Le héros qui se fait passer un savon par son mentor, le méchant qui se fait attraper exprès. Je suis le méchant très méchant, vraiment très méchant principal. Le moment de désespoir, une demi-heure avant la fin du film. En France, on échappe un petit peu à ces schémas avec la nouvelle vague et l'avènement de l'auteur-réalisateur fait à partir des années 50. Si vous n'aimez pas la mer... Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Vous vous dites, non mais moi je m'en fous, je regarde les séries sur... Vous n'échappez pas à l'uniformisation des programmes, à partir de 2017 et le succès de la Casa des Papel. À tenter de moins en moins de choses originales sortant des sentiers battus pour plaire au plus grand nombre. Et comme on le sait, en voulant plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Certains producteurs et réalisateurs expliquent même qu'en travaillant avec... Ils se voient envoyer un document informel avec des conseils prodigués que l'on se sent obligé de suivre. Concrètement, chaque scène doit absolument faire évoluer le récit ou incarner une information et il n'y a aucun espace pour l'inconscient ou le vide. On est dans l'économie de la vitesse. Les plans durent 20 secondes maximum et s'enchaînent. Les spectateurs doivent tout savoir immédiatement. Je m'en suis vraiment rendu compte lorsque j'ai regardé la dernière saison de Stranger Things sur Netflix et je me suis rendu compte que ouais, les plans chronométrés duraient moins de 20 secondes. Ça, c'était impressionnant. Toute cette problématique du récit formel a un point de départ bien précis. Le monomythe de Joseph Campbell. Joseph Campbell, né le 26 mars 1904 dans l'état de New York, est mort le 30 octobre 1987 à Honolulu, à Hawaï. Je viens de me rendre compte qu'en fait il est né le même jour que moi, ça c'est fou. C'est un mythologue, menteur, pharisien, professeur, écrivain et conférencier. Son apport principal est sa théorie du monomythe, qui postule que les mythes, légendes et contes du monde entier, à de nombreuses époques, sont des expressions d'un schéma narratif unique, lui-même lié aux structures de la psyché humaine. Pour étayer son propos, il a appris le français, l'allemand, le japonais et le sanskrit, en plus de sa langue natale, l'anglais. Voici alors les 12 étapes du voyage du héros, avec l'exemple concret de Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir. Première étape, le monde ordinaire. Dans un premier temps, le héros n'a peu ou pas conscience de son problème. Ici, Luke s'ennuie à mourir dans la ferme de son oncle, isolé dans un lieu désertique alors que lui veut devenir pilote. Deuxième point, l'appel à l'aventure. Puis, le héros a un peu plus conscience du problème. Pour Luke, cet appel apparaît dans le message holographique de la princesse Leia transmis par R2-D2 par erreur. Troisième étape, le refus de l'appel. Ici, le héros résiste à changer. Luke refuse de partir avec Obi-Wan et rentre chez lui, mais son oncle et sa tante sont tués, cramés par l'Empire pour faire un bon barbecue. Quatrième étape, la rencontre avec le mentor. Soudain, le héros voit ses craintes de changement disparaître. Obi-Wan donne le sabre laser de son père à Luke, et il lui ment et on témoin. Cinquième étape, le passage du seuil. Alors, le héros s'engage dans son changement de son plein gré. Luke quittera Tatooine avec Han Solo, Chewbacca et Obi-Wan. Sixième étape, test, allié et ennui. Ici, le héros expérimente les premiers changements en lui. Han Solo et Obi-Wan Kenobi se révéleront être des alliés et il apprendra à manier le sabre laser avec quelques petites difficultés dans un premier temps. Septième étape, et on n'est qu'à la moitié, l'approche de la caverne. Bien sûr, tirée de l'allégorie de la caverne de Platon. Le héros se prépare à un grand changement. Ici, dans Star Wars, c'est la pénétration dans l'étoile de la mort pour sauver la princesse. Huitième étape, l'épreuve suprême. Le héros essaye de changer. Dans le broyeur à ordures, Luke, Leila et Han Solo sont à deux doigts de mourir écrasés. Mais, après cette petite étape, Luke verra son mentor Obi-Wan tué des mains de Dark Vador. Neuvième étape, la récompense. Cette tentative a des conséquences, positives ou négatives. Dans notre cas, Luke vole les plans de l'étoile noire. Dixième étape, le chemin du retour. Maintenant, le héros se dévoue à son changement. Luke rejoindra les rebelles. Onzième étape, la résurrection. Ainsi, le héros tente une nouvelle fois de changer. Luke fait confiance à son instinct grâce au conseil avisé de l'esprit d'Obi-Wan spirituellement en vie et réussit à détruire l'étoile de la mort, alors poursuivi par Dark Vador dans son vaisseau. Et enfin, la douzième et dernière étape, retour avec l'élixir. Finalement, le héros est totalement transformé. Luke a vaincu l'Empire et la victoire est célébrée. Sur cette description qui motive les gens à regarder Star Wars de nouveau, deux autres théories de narration existent et l'une d'entre elles est française. 36 situations dramatiques est le nom d'une théorie proposée par le français Georges Polti, mort aujourd'hui, selon laquelle il existe, pour tout type de scénario, 36 situations dramatiques avec, pour chacune, les rôles ou éléments dynamiques indispensables qu'elle implique. Les situations sont ensuite détaillées en nuances. Polti a ainsi catalogué plus de 1200 œuvres pour sa théorie. De fait, Georges Polti prétend avoir non seulement recensé toutes les situations dramatiques possibles au théâtre, au cinéma et dans la littérature, mais aussi toutes les émotions qui composent la vie. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Le mec a un ego surdimensionné. Pour en citer quelques-unes, il y a venger un proche, c'est-à-dire une vengeance au sein d'une même famille. Être traqué, un personnage doit s'enfuir pour sauver sa vie. Se révolter, un personnage insoumis se révolte contre l'autorité supérieure. Se sacrifier à l'idéal, une personne donne sa vie pour un idéal. Ou rivaliser à armes inégales, un personnage décide d'affronter un autre plus fort que lui. La seconde est faite par nos ennemis jurés, les British, les mangeurs de pudding, ceux qui ont une cuisine dégueulasse. Yes, he's a Jew. Christopher John Pernice Booker, encore une fois mort il y a peu, est un auteur et journaliste britannique. Son livre, Les 7 intrigues fondamentales, nous convie à plonger au cœur des récits ancestraux, révélant ainsi les archétypes narratifs qui sous-tendent nos expériences humaines. Et je vais faire un top 7. Numéro 1, la quête. L'intrigue nous emporte dans un voyage initiatique où le héros affronte ses épreuves pour découvrir sa véritable identité. Numéro 2, affronter le monstre, moi-même. On met en lumière le courage nécessaire pour surmonter nos peurs les plus profondes et affronter l'adversité, c'est-à-dire se lever du lit le matin. Troisième étape, de la misère à la richesse. On dénonce les inégalités sociales et célèbre la résilience humaine face à l'humanité. Quatrième étape, voyage et retour. Cette structure narrative nous plonge dans un monde onirique où le héros doit affronter ses propres démons pour revenir transformé. Numéro 5, la tragédie. Cette intrigue met en garde contre l'hubris humaine et les conséquences dévastatrices de nos actions. Sixième point, la renaissance. L'histoire nous offre l'espoir d'une nouvelle vie après les épreuves, symbolisant ainsi le cycle éternel de la renaissance. Et enfin, récit numéro 7, la comédie. On explore les intrications sociales et nous invite à rire de nos propres travers. Un maman, un papa, un mamie, un papy. On peut rigoler des autres, mais surtout rigoler de soi. Les transmissions orales faites à travers les époques perpétuent ainsi les récits fondateurs de notre culture. Tout se ressemble car tous les théoriciens se sont basés sur les mêmes études et ressources, principalement les psychiatres Carl Gustav Jung et Sigmund Freud. Trop dégueulasse ! Pour moi, et rien que pour moi, il ne faut pas s'inquiéter. Mais il faut prendre un nouveau prisme, avec trois axes. Comment, pourquoi et mélanger. Comment raconter mon histoire? Quel genre historique? Quelles épreuves pour les personnages? Quels arcs narratifs et quels retournements? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi raconter mon histoire? Quels sont les messages que je veux transmettre à travers celle-ci, à travers mes personnages? Qu'est-ce que je veux raconter sur notre monde ou sur moi? Oui, les auteurs ont un petit peu d'ego. Et enfin, le mélange. Mélanger deux genres bien distincts, mêler les éléments d'un genre et les transmettre dans un autre, amener de la surprise dans un genre bien établi comme la comédie romantique ou, comme Star Wars l'avait fait à son époque, mêler les éléments d'une épopée chevaleresque à de la science-fiction et du cinéma grand spectacle. Ces trois axes sont des puits sans fond pour de nouvelles histoires. Il ne faut pas cacher ses inspirations, mais il faut toujours y apporter quelque chose de nouveau, et c'est ça que je conseille à tout le monde. Tous les auteurs s'inspirent, consciemment ou non, de leur bagage culturel, de leur expérience, de toutes les histoires qu'ils ont vues, entendues ou regardées au cours de leur vie, sauf s'ils ont peur de l'avion. Plus que l'originalité, c'est votre touche personnelle d'auteur qui compte. George Lucas n'a pas inventé le space opéra, mais il lui a donné les traits bien particuliers. Le mélange de vos expériences, goûts, valeurs et sources d'inspiration est un cocktail unique. Sauf si vous décidez de mélanger la fraise avec de la framboise. La combinaison huître Red Bull est la nouvelle tendance culinaire sur le réseau social. Finalement, qu'une histoire soit vraiment originale ou pas importe assez peu. La vraie question à se poser, c'est « Cette histoire, est-ce que vous avez envie de l'écrire ?» Si oui, allez-y gaiement. Sinon, restez de côté et ne tuez pas la planète pour imprimer des livres mauvais. J'ai envie ici de parler de Christine Boutin. Créez, innovez, ratez, racontez, soyez ce que vous voulez devenir, mais n'oubliez jamais une chose. C'est en étant le plus singulier possible que l'on pourra devenir universel. Je vous laisse réfléchir un mois et demi au sens de votre vie, et nous prendrons le temps la prochaine fois pour parler de nos fruits et légumes. C'était Théoxérès le Fureteur, à la revoyure les amigos.